Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue ici au siège de la Ligue belge francophone des droits de l'homme pour cette conférence de presse consacrée à, le titre étant l'affaire Patrice Lumumba. Vous allez avoir plusieurs intervenants durant cette conférence. Guy, un des fils de Patrice Lumumba, Christophe Marchand, l'avocat, Annie Michaud et également Ludo De Witt. Plusieurs personnes sont excusées, Eric David et Paul Sapou, le secrétaire général de la FIDH. Mais peut-être permettez-moi brièvement, en quelques mots, d'expliquer pourquoi la Ligue des droits de l'homme a décidé d'accueillir avec grand plaisir cette conférence de presse à la demande de la famille et de ses avocats. Vous savez, notre Ligue fait partie d'un réseau international, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, qui a comme combat principal la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité parce qu'il est incapable, il est impossible de reconstruire une société à partir du moment où on reste avec des plaies béantes. Cette lutte contre l'impunité, aujourd'hui, de la part de la FIDH, elle prend des formes diverses. Ce n'est pas ici, devant un pareil par terre, que je dois expliquer l'action de la FIDH en République centrafricaine, qui a abouti, par exemple, à l'arrestation de Jean-Pierre Bemba et au fait qu'il ait été déféré devant la Cour pénale internationale. Ce n'est pas ici non plus que je dois expliquer à quel point la FIDH a été impliquée, représentant les victimes, dans le cadre des massacres qui ont pu être commis à l'est du Congo. Mais la lutte contre l'impunité, elle ne concerne pas que certaines parties du monde et que certaines personnes que l'on pourrait considérer comme responsables. Je pense d'ailleurs à cet égard qu'il y a certainement des dangers aujourd'hui dans le développement de la Cour pénale internationale qui ont encore été soulignés récemment à Kampala en Ouganda sur le fait qu'on a le sentiment que ce sont toujours certains pays et au minimum un continent qui est particulièrement visé. Cette lutte contre l'impunité, elle ne doit pas non plus tomber dans les oubliettes de l'histoire parce qu'il y a des blessures qui restent longtemps et qui empêche justement une société, un pays d'avancer. Alors, ici, nous avons souhaité laisser la parole à la famille de Patrice Lumumba et également à leur avocat, avec la volonté de pouvoir insister sur le fait qu'il y a là aussi des choses qui restent non élucidées, sur lesquelles il y a eu certainement énormément d'enquêtes journalistiques, politiques, une commission même parlementaire, mais qui laisse la famille insatisfaite. Et pouvoir à ce moment-là se retourner vers la justice pour réclamer ses droits, c'est aussi un droit de l'homme. Et donc à ce titre, je passe tout de suite la parole à M. Guy Lumumba en insistant sur le fait que c'est le fils aîné de la famille. C'est le fils aîné de la famille, François, qui est à l'origine de cette action, mais qui, lui, est au Congo, près de Kinshasa, et qui n'a pu être avec nous aujourd'hui. Je vous cède tout de suite la parole. Je vous remercie beaucoup. Au niveau de la presse, né quelques 20 jours après la mort de mon père, donc aujourd'hui j'ai 49 ans, et de ce que j'ai vécu également vis-à-vis de mes frères, on nous parle tout le temps de notre père, on parle de sa mort, mais les gens ne se sont jamais souciés de savoir ce qui nous attend. Car nous avons aujourd'hui des petits-fils, et aussi la grande famille politique, la grande famille également des amis qui sont un peu partout dans le monde. Et nous avons été surtout beaucoup plus peinés quand on a vu une personne, c'est-à-dire montrer la dent en disant, là où nous ne savons pas où est-ce qu'on a pu enterrer notre père, et qu'on retrouve en Belgique, qu'on a pu transporter non seulement la dent, il y a d'autres parties également du corps qui ont été cachées. Et qui les montrent, et qu'on puisse les balancer chaque fois dans la presse, et nous les voyons, les gens les savent quand c'est que nous vivons. Et nous avons profité de l'opportunité qui nous a été donnée par également la justice belge pour dire, nous les enfants, nous avons besoin de connaître la vérité. Ainsi nous sommes venus trouver ici en Belgique également des amis, trouver également un soutien à travers le collectif qui s'était réuni autour de nous, parce que nous avons travaillé ces dossiers, ça fait depuis des mois en cachette, personne n'en a jamais su. Et nous avons ainsi profiter pour annoncer également la volonté de la famille de porter plainte pour que la vérité puisse y avoir lieu. Merci. Monsieur De Witt, c'est une affaire, un dossier que vous avez traité en profondeur, un remarquable ouvrage qui a donné lieu d'ailleurs à beaucoup de remous politiques et à cette commission d'enquête parlementaire. Votre éclairage? Enfin, je veux d'abord dire que je suis ici comme, disons, expert extérieur à l'action juridique. On m'a demandé de fournir des données, de partager mes analyses et mon opinion sur le récit historique de cette affaire. Et donc, de ce que je dis, n'implique nullement l'action juridique elle-même. Je vais essayer en 10 minutes synthétiser le récit historique. Il y a, à partir d'aujourd'hui, un dossier que j'ai mis sur l'Internet et qui est disponible sur le site flamand. C'est un dossier en néerlandais sur le site de Apache, donc www.apache.be. Bien, ce qui est en jeu, je crois que 6 mois après l'indépendance du Congo, donc fin de l'année 60, le pays était morcelé en 4 parties. C'était un morcellement suite à une intervention militaire belge, une intervention qui a provoqué d'abord la sécession de la province du Katanga, qui a ensuite provoqué la sécession de la province du Kasaï et finalement qui a abouti au renversement du gouvernement légalement élu de Patrice Lumumba. Donc à la capitale, fin 60, Mobutu était au pouvoir. Les partisans de Lumumba et les ministres déchus de son gouvernement s'étaient retranchés et regroupés à l'est du pays. Donc on avait à ce moment 3 provinces essentiellement pro-occidentales et une province où les partisans du premier ministre déchu étaient au pouvoir. Lumumba lui-même, il était en prison tout près de la capitale. Il est important que à ce moment, on avait un conflit militaire, qui était un conflit militaire interne, une sorte de guerre civile, notamment entre ces différentes provinces. Aussi, à l'intérieur du Katanga, il y avait une révolte des Baluba pro-lumumbistes contre le régime katangais. Et sur cette guerre civile, s'est greffée et s'est intégrée l'intervention militaire belge, donc c'est l'aspect international du conflit, parce qu'au Katanga, le régime était mis en place, était mis en selle et continuait à exister grâce à l'intervention belge. Et la colonne vertébrale du régime au Katanga, c'était l'armée katangaise, la soi-disant gendarmerie katangaise. Et le cadre de cette armée katangaise était à 100% blanc, essentiellement des officiers belges, soutenu par des mercenaires blancs. Et je vous cite un rapport d'un diplomate actif à l'époque au Katanga et au Congo. C'était pas n'importe qui, c'était Robert Rothschild, qui était ambassadeur et ministre plénipotentiaire, qui était là comme émissaire du gouvernement belge et qui était aussi l'homme de confiance du secrétaire général de l'OTAN, Paul-Henri Spaak. Et il dit: l'encadrement belge de la gendarmerie, donc de l'armée katangaise, est un élément essentiel et décisif du maintien de l'ordre au Katanga. Il est nécessaire de bien comprendre que son retrait aboutirait dans les 24 heures à l'effondrement de la gendarmerie et serait suivi de peu de l'effondrement du gouvernement Tshombe. Donc Tshombe qui était officiellement le président du Katanga. Et donc ce cadre belge, ces officiers blancs de l'armée katangaise étaient dirigé par un officier supérieur belge, par le lieutenant-colonel Van de Waal, qui avait reçu un ordre de mission, et on a cet ordre de mission qui lui a été fourni et qui a été signé par le ministre des Affaires africaines belge. Et dans l'ordre de mission est dit, le lieutenant-colonel Van de Waal a autorité sur tout le personnel militaire de l'assistance technique du Katanga. Donc, essentiellement, la colonne vertébrale au Katanga, c'était une colonne vertébrale belge qui était dirigée politiquement par un gouvernement belge qui fonctionnait dans l'ombre et qui s'appelait Bureau Conseil. À la fin de l'année 60, quand Lumumba était enfermé dans une cellule de Mobutu, ses partisans commencent une offensive à partir de l'Est, et c'est une offensive foudroyante. Et dans l'espace de 2 semaines et demie, ils réussissent à conquérir la moitié du pays, et fait significatif, même dans le campement militaire sous contrôle de Mobutu, y compris dans le campement où Lumumba est enfermé comme prisonnier, il y a des mutineries qui éclatent, et une des revendications des soldats est la libération de Lumumba. À ce moment, il y a une grande panique aussi bien à Bruxelles qu'à Washington. Washington, donc la CIA, avait envoyé un tueur pour éliminer Lumumba, mais ce tueur a été retiré au moment où Lumumba a été capturé par les soldats de Mobutu et emprisonné. Donc la CIA et les Américains n'avaient pas de moyens sur place pour régler le problème. Et donc il y avait un grand souci de la Belgique que un assassinat de Lumumba dans son prison allait renverser, allait balayer cet régime de Mobutu, et c'est pour ça qu'on avait cherché en quelque sorte un sous-traitant. Il y avait deux possibilités, les deux provinces en sécession qui étaient pro-occidentales, c'était le Kasaï et c'était le Katanga. Le gouvernement belge préférait de transférer Lumumba au Kasaï parce que le régime au Kasaï était un régime très faible qui n'avait pas vraiment un poids politique et militaire dans le contexte de l'époque, et on savait très bien ce qui allait passer avec Lumumba. Le président officiel du Kasaï, Albert Kalonji, avait dit à l'époque, s'il pouvait mettre son main sur Lumumba, il allait faire de son crâne une vase et le mettre sur son bureau. Il y avait un problème au Kasaï, c'est que des casques bleus ghanéens contrôlaient l'aéroport du Kasaï, et on craignait fort que si on allait transférer Lumumba au Kasaï, que les casques bleus ghanéens allaient essayer de le libérer. Et ça, on voulait éviter. Et c'est pour ça qu'on a opté pour un transfert vers le Katanga, où l'aéroport était divisé en deux. Une partie était sous contrôle des Nations Unies, une autre partie était aux mains des Belges. Et c'est donc là qu'on pouvait déposer sans un problème Lumumba. Et ça, c'est effectivement fait. Le gouvernement belge qui travaillait dans l'ombre au Katanga ne voulait pas Lumumba. Il savait très bien que si on allait transférer Lumumba, ça signifiait sa mort. Il n'y avait aucun moyen pour le Katanga pour garder prisonnier ou pour, a fortiori, pour le mettre en justice au Katanga, parce que le Katanga, c'était un régime illégal, c'était une sécession de l'État central. Et donc, c'est pour ça que les Belges dirigeante au Katanga était contre le transfert de Lumumba, et donc le ministre des Affaires africaines, qui craignait fort le renversement du régime de Mobutu à la capitale, a choisi pour le moindre pire et a ordonné ce transfert vers Katanga. Suite à cet ordre, les Belges réunis dans le bureau conseil au Katanga ont accepté donc Lumumba. Il a été transféré, pris en charge par les officiers belges, des officiers de l'armée et de la police. Et pendant 4 heures, il a encore vécu sur le sol katangais. Il a été gardé par des officiers belges sous leur responsabilité. Il a été torturé sous leur responsabilité. Et finalement, ce sont des officiers de police et de l'armée belge qui ont assassiné Lumumba par une exécution. Sur le plan juridique maintenant, Maître Marchand, je dois bien vous dire que c'est un événement que moi je connaissais assez peu et j'ai appris à le connaître de plus en plus sur base des sources que l'on a pu consulter. Et donc on a travaillé dans le cadre de la préparation simplement de la question de savoir est-ce que l'on peut encore déposer une plainte aujourd'hui dans ce cadre-là. On a travaillé principalement sur des sources qui sont, je dirais, non contestées et officielles, c'est-à-dire la commission parlementaire belge de novembre 2001, dont les conclusions datent du 16 novembre 2001, mais également la commission d'enquête des Nations Unies, qui elle est bien antérieure, et les résolutions des Nations Unies qui concernent cette crise du Congo. Et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, cette commission parlementaire, elle avait abouti à une série de conclusions, conclusions qui avaient été démontrées par l'ensemble des travaux approfondis que la commission a fait avec tous les experts qu'elle a entendus, mais conclusions qui n'ont pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la commission a établi que la Belgique avait commis une ingérence dans les affaires intérieures du Congo, que des militaires belges étaient présents lorsque M. Lumumba a été assassiné, que des officiels belges ont aidé au transfert de M. Lumumba de Kinshasa au Katanga dans cet avion, que des militaires ont assisté aux tortures qui ont été réalisées dans l'avion et ensuite déjà sur le tarmac de l'aéroport, que les autorités belges n'ont rien fait, ce sont les termes mêmes de la commission, pour empêcher ce qui s'est produit. Les autorités belges et leurs agents, que ce soit au Katanga lui-même ou bien à Kinshasa, n'ont rien fait non plus pour que, si on devait considérer que M. Lumumba devait être arrêté, pour qu'il soit jugé et pas assassiné, sommairement exécuté comme il l'a été. Et donc la question juridique qui se pose évidemment lorsqu'on a ces faits qui sont établis, mais c'est de se dire mais à quoi correspondent ces faits lorsqu'on veut les qualifier juridiquement. Et la conclusion à laquelle on est parvenu, c'est que l'ingérence de la Belgique, c'est déjà bien de l'établir, mais la conséquence est que la Belgique a été finalement une partie au conflit qui agitait le Congo à ce moment-là. Partie au conflit entre finalement plusieurs États internationaux, internationalement souverains, que ce soit la Belgique et le Congo, ce qui rend le conflit un conflit armé international au niveau du droit international. Et la conséquence d'une qualification de ce type-là, conflit armé international, c'est que des crimes de guerre ont été commis à ce moment-là, et qu'on obtient alors, je dirais, une vision juridique de cette situation qui est tout à fait différente de celle qu'on peut avoir selon le droit commun, avec toutes les questions qui surgissent par rapport aux crimes de guerre. La loi belge, qui se base notamment sur les conventions de Genève de 1949, prévoit que le simple transfert d'une personne d'un endroit à un autre, transfert illégal, comme ce qui s'est passé pour M. Lumumba, est un crime de guerre. Le fait de ne pas empêcher, alors qu'on a la possibilité de le faire, un assassinat comme celui-là qui s'est produit, eh bien, c'est également un crime de guerre. Et donc, on arrive à une conclusion juridique qui est de dire, mais les personnes qui sont mentionnées dans les différents rapports, eh bien, ces personnes, si elles sont toujours en vie, pourraient être poursuivies pénalement devant une juridiction belge, puisqu'elles sont belges, et qu'il y a une compétence de la Belgique pour juger ses propres citoyens lorsqu'ils ont commis des crimes de guerre à l'étranger, et qu'ils pourraient être alors déférés devant un tribunal belge. À ce moment-là, alors, on a été plus loin, on a fait une démarche supplémentaire qui était se dire, mais ces faits se sont passés il y a tellement longtemps, est-ce qu'on ne va pas avoir des obstacles liés finalement à la prescription de l'action publique? C'est toute la question qui se pose. C'est une question qui est évidemment éminemment discutée. On sait que certains États ne connaissent pas la prescription. Je pense à l'Allemagne, par exemple, par rapport aux crimes de meurtre. La Belgique connaît des prescriptions particulières. Mais la loi a été modifiée récemment qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes de guerre. Et on a là une piste de réflexion que l'on est occupé à envisager. Et donc, je dirais, cette idée qui était de dire mais la commission parlementaire belge a tiré des conclusions politiques. Probablement, elle a été jusqu'au bout par rapport à ce qu'elle pouvait faire par rapport aux conditions politiques de l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller un pas plus loin, et il faut continuer ce devoir de mémoire que l'on a et de rechercher ce que la Belgique a fait et ce que ses agents ont réalisé au Congo. Et on a aujourd'hui les possibilités juridiques pour introduire une plainte pénale que nous allons faire maintenant à la demande de François Lumumba, qui est le fils aîné de Patrice Lumumba et des autres membres de la famille, dès le mois d'octobre devant un juge d'instruction belge. Voilà, maintenant je cède peut-être la parole à Maître Chose pour encore quelques mots, s'il le souhaite. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est que, indépendamment de la qualification du conflit armé international au Congo à l'époque, et si vous voulez plus d'informations, il y a des documents officiels sur le site du Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles sur le conflit au Congo à ce moment-là, pendant lequel la Belgique elle-même ne contestait pas être partie intervenante et que donc elle internationalisait le conflit. Mais donc, indépendamment de ces questions juridiques assez classiques, en l'occurrence, c'est effectivement un devoir de mémoire qui s'impose. Les travaux de l'enquête parlementaire ont déjà mis à jour des éléments nouveaux dans ce dossier qu'il nous incombe maintenant d'exploiter et d'utiliser pour enfin connaître la vérité sur ce qui s'est passé à ce moment-là, sur la date précise du décès de Patrice Lumumba, s'il est mort d'ailleurs. Enfin bon, c'est un peu cynique de le dire, mais en réalité, même l'acte de décès est en fait un faux. Et donc, tout ce qui a entouré le décès de Patrice Lumumba reste à ce jour complètement obscur. Et il est un droit qui a le vent en poupe actuellement dans le monde académique, c'est le droit à la vérité, basé sur les droits de l'homme. Ce n'est pas réellement un droit nouveau, ce n'est pas un droit émergent, mais c'est un droit qui est mis de plus en plus en avant, qui impose aux États d'enquêter sur les circonstances de la disparition de certaines personnes, dont la disparition a été forcée, et certainement lorsque les auteurs sont ou sont complices et sont de nationalité belge. Et donc, en l'occurrence, c'est ce droit-là aussi qu'on veut mettre en avant, le devoir de mémoire et le droit à la vérité sur toutes ces questions-là. Et qui empêche d'ailleurs la prescriptibilité des faits également, puisque le devoir d'enquêter n'a pas de prescription en l'occurrence. Mais je peux répondre à des questions si vous le désirez. La parole est à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez dire combien de personnes sont poursuivies, quelle est leur nationalité, éventuellement donner les noms? La deuxième question, pourquoi est-ce que c'est maintenant et pas par exemple en 2001 que vous entamez cette action? Et la troisième question, qu'est devenu le projet de fondation Lumumba que M. Louis Michel avait promis lors de la commission d'enquête parlementaire? Alors, pour répondre très précisément à votre question, donc on a identifié une série de personnes. Il y a 12 personnes qui sont encore en vie aujourd'hui. Je ne vais pas citer les noms parce que je pense que chacun bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est un fait qui est certain. On verra bien, nous réservons, je dirais, l'identité de ces personnes qui sont toutes belges au juge d'instruction. Et puis nous verrons ce qu'elles déclareront lorsqu'elles seront entendues. Alors, sur la question de pourquoi maintenant, je pense que la question... Les questions 2 et 3 sont liées, évidemment. La famille a soif de vérité. La famille a soif de justice aussi, pas uniquement de vérité. La commission d'enquête parlementaire, effectivement, a abouti finalement à une promesse à un moment donné de la création d'un fonds Lumumba, création d'un fonds qui est resté lettre morte, puisque ce fonds n'a jamais vu le jour. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de fondation qu'on porte plainte maintenant? Non, c'est un raisonnement logique qui est, à mon avis, n'est pas le bon. Je vous dis que après la commission de 2001, il y avait ce fonds qui avait été projeté, qui n'a pas été mis en œuvre, mais cela ne change rien par rapport au désir de justice qu'a la famille, c'est-à-dire que leur personnalité de victime soit reconnue par une juridiction et pas uniquement par une instance politique qui a tiré des conclusions, je dirais, politiques et négociées par rapport aux faits tels qu'ils se sont produits. Donc c'est vraiment un désir de vérité complète sur les responsabilités individuelles des personnes qui ont participé à cet assassinat. Ça fait 49 ans qu'elle a soif de vérité. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant? Bon, je pense qu'on peut poser la question à M. Lumumba, mais... Pourquoi 49 ans? Parce que jusqu'à 1997, c'est-à-dire au départ de Mobutu du pouvoir, nous opérait la venue du pouvoir de Kabila. Il y aurait une commission nationale, c'est-à-dire au Congo, pour éclairer la mort de Lumumba. Or, de 1997 jusqu'aux élections, parce qu'après il y a eu la rébellion et puis il y a un plus 4, là, c'était pas possible. Nous avons cru qu'il y aurait le premier gouvernement issu des élections de 2006. On allait laisser le temps pour qu'ils puissent également travailler et que nous puissions porter plainte au Congo. Mais vous le comprenez très bien, on ne nous a pas donné cette possibilité-là. Et donc aujourd'hui, je crois que s'il doit y avoir, c'est-à-dire les pays qui correspondent et qui est également habilité à le faire, et c'est la Belgique. Quand nous l'avons fait, quand nous l'avons initié après les élections, car c'est un travail qui n'est pas de quelques mois, et c'est bien longtemps. On n'est pas les seuls, mais c'était notre désir de les faire. Aujourd'hui, qu'on vienne le faire, c'était par rapport à une conclusion. Quand nous avions travaillé, et puis les avocats nous disaient toujours, laissez-nous le temps jusqu'à ce que nous puissions avancer. Donc, on n'a pas choisi l'occasion, mais pour nous, c'était à tout moment, au cours de l'année, que nous pouvions également s'aller nous présenter à vous pour vous dire quel était notre désir de connaître. Merci. Monsieur. D'accord. Meneer Marjoli, spreek Nederlands, heb ik gehoord. Nog eens dezelfde vraag. Wie gaat u aanklagen? Welke mensen en hoeveel? Oké, we gaan 12 mensen aanklagen. Dus dat zijn de mensen die toen in Congo aanwezig waren. Wij weten wel dat deze 12 personen nog in het leven zijn. En dus we gaan deze personen in oktober aanklagen. We gaan de namen vandaag niet geven. We wachten en we gaan de naam gewoon aan die onderzoeksrechter geven. Het zijn gewoon de mensen die daar toen aanwezig waren. Dus er zijn mensen die in de politieke wereld van toen in Congo zaten, of zelfs mensen die aanwezig waren toen meneer Lumumba vermoord werd. Is die eigenlijk gebaseerd op de zogenaamde genocidewet? Of niet? Dat is eigenlijk dus de genocidewet is een naam voor een wet dat breder is en dat niet alleen over genocide gaat, maar ook over oorlogsmisdaden. Dus men zegt de genocidewet, maar dat betreft ook oorlogsmisdaden. U weet wel dat er een heel groot verschil is tussen oorlogsmisdaden en genocide. Maar we praten niet over genocide, we praten gewoon alleen, het is al heel veel, oorlogsmisdaden dus. Maar ik dacht dat voor zo'n klacht dat bij het federaal parket moest worden. Dat is eigenlijk zo dat als de dader Belg is, dan er een mogelijkheid bestaat voor het slachtoffer om zelf een klacht in te dienen zonder filter van het federaal parquet. C'est pas de la compétence universelle en l'occurrence, hein. C'est de la compétence pénale active. Les auteurs poursuivis sont belges. Pas basé sur la loi de tout à fait, non. Ce sont des crimes de droit international, mais on n'a pas besoin d'aller chercher un lien de compétence avec la Belgique. Il est là, les auteurs sont belges. De genocidewet voorziet eigenlijk een universele bevoegdheid in enkele gevallen met een filter van het federaal parket. Maar in geval de daders Belgen zijn, dan is de filter niet meer aanwezig. Okay. Maar hoe groot gaat u de kans in dat deze klacht niet ontvankelijk wordt verklaard door de rechtbank? Dus als we een klacht indienen bij de onderzoeksrechter, dan wordt de klacht verwezen naar het federaal parket en het federaal parket gaat zijn vorderingen maken. Dus op dat ogenblik gaan we eigenlijk weten wat het federaal parket daarover denkt. Maar het federaal parket moet in ieder geval de zaak terugsturen naar een onderzoeksrechter met vorderingen, maar het onderzoeksrechter blijft vrij om te onderzoeken als hij vindt dat er wel gronden zijn om te onderzoeken. Dus dat is eigenlijk ook heel belangrijk, een heel belangrijke taak en plicht van de onderzoeksrechter die gevat zal worden om het onderzoek te laten voeren. Dus een vooronderzoek moet je laten vastkomen? Het is een gerechtelijk onderzoek dus door het onderzoeksrechter. Maar dus procedureel gezien, we gaan bij de onderzoeksrechter, we dienen de klacht in, de klacht wordt naar het parket verzonden en dan geeft het parket de klacht terug aan de onderzoeksrechter met zijn vorderingen. Maar als bijvoorbeeld dat de zaak moet voor de raadkamer gestuurd worden, omdat er geen bevoegdheid is bijvoorbeeld. Maar de onderzoeksrechter is niet verplicht om dat te volgen. Het kan wel zijn eigen gang doen en het onderzoek voeren. Ik dacht nu al in. Non, c'est pour octobre. Yeah. Il y avait une question là derrière, puis après j'en ai. Oui, ma question est la suivante. Au-delà de la recherche de la vérité, comptez-vous aussi déployer des efforts pour qu'on restitue tout le reste, ce qui reste de Lumumba? Parce que j'ai appris en 2001 que ses dents sont en Belgique. tenu par une certaine personne. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Parce que ça aussi, ça nous intéresse. Ça nous, c'est une question qui devient vraiment insoutenable pour nous de savoir que la Belgique a eu connaissance de ces faits et qu'on n'a même pas aussi fait des recherches dans ce sens-là. Ça, je crois que ça, c'est aussi, ça intéresse la justice aussi. Le commissaire de police, Gerard Soet, il a montré les dents à plusieurs journalistes, notamment un journaliste de Humo, hebdomadaire flamande, et Thomas Giffer, qui a fait un documentaire allemand sur l'assassinat de Lumumba. D'ailleurs, dans le documentaire de Thomas Giffer, Soet montre les deux dents qu'il avait gardées chez lui comme trophée. Après, dans la presse, il a dit qu'il avait jeté les dents dans la mer, mais moi, j'ai parlé avec lui avant qu'il est allé à la presse et pour l'essayer de convaincre de restituer les restes de Patrice Lumumba à la famille et au Congo, ce qu'il a refusé. Et d'ailleurs, il m'a dit à ce moment, je suis trop emmerdé par la presse, je veux dire que j'ai jeté les dents dans la mer. Donc, à mon avis, c'est assez clair que il n'a pas jeté les dents dans la mer. Cette affaire a été signalée à la commission parlementaire Lumumba. On n'a pas vraiment des traces sur l'enquête qui a été faite par la commission, mais je sais que après la mort de Soet, qui a décédé pendant les travaux de la commission, un des experts m'a confié que on a fait une perquisition à la maison de Soet, mais qu'on n'a rien trouvé. Donc on est à ce point-là, c'est ça ce qu'on sait des restes de Patrice Lumumba. Madame ? Pouvez-vous préciser, à propos des 12, si ce sont juste des exécutants au Katanga ou s'il y a aussi des autorités d'anciennes autorités politiques à Bruxelles ? Je ne vais pas donner d'informations plus approfondies sur ces questions pour le moment. Vous m'excuserez, mais je réserve ça au juge d'instruction qui devra enquêter sur l'affaire. Très bien, plus tard. Monsieur. Oui, pourrions-nous avoir des garanties comme quoi cette affaire sera menée en toute indépendance, compte tenu du contexte, je veux dire, c'est une histoire qui implique des Belges, et il y a la politique, à mon avis, qui pourrait avoir une partie dans les travaux que vous allez faire. Dites-nous, rassurez-nous qu'il n'y aura aucune émission plutôt au niveau politique. En tout cas, pour ce qui nous concerne, je peux vous garantir que nous sommes indépendants. C'est la raison pour laquelle aussi on travaille avec une équipe de juristes étrangers, comme on vous l'a dit, allemands et américains, pour nous donner une assise internationale à notre travail. Et donc nous resterons évidemment éminemment indépendants. Je pense que, et ça c'est un des avantages de l'écoulement du temps, je pense que les autorités judiciaires seront moins mises sous pression maintenant qu'elles auraient pu l'être à l'époque, et que ça sera aussi une garantie d'indépendance. Et je crois aussi que la Belgique a fait preuve de volonté d'avancer un peu dans le dossier par la création de l'enquête parlementaire. Donc maintenant c'est l'étape suivante. Ce dossier est une succession d'étapes. On en est à l'étape ultime où on connaîtra peut-être enfin la vérité, et je pense que les intervenants sont plus indépendants maintenant qu'ils auraient pu l'être à l'époque. Et donc j'espère effectivement qu'il n'y aura pas de pression politique dans ce dossier. Pour l'instant, j'ai lu ce matin, il y a les journaux et j'ai écouté la radio. Il ne serait pas, le moment choisi, ce ne serait pas pour torpiller, d'après ce que j'ai lu, de ce que j'attends, l'arrivée du roi Albert II pour le festival du cinquantenaire du Congo. Je veux juste répondre que, pour ma part, moi j'ai beaucoup de respect pour la maison royale, donc je n'ai pas du tout l'intention de qu'il se passe quelque chose à l'égard de la maison royale. On aurait pu attendre jusqu'au moment où le roi Albert II met le pied au Congo, on ne l'a pas fait. Hein. On l'a fait à dessein pour que la maison royale soit au courant de la plainte avant d'aller au Congo. Dus de vraag was of waarom nu en gaat het wel misschien de belangen van het Koningshuis aantasten. Dus onze bedoeling is niet om het Koningshuis aan te vallen. We weten wel dat koning Albert II naar Congo gaat eind van deze maand. Dus wij hebben de klacht nu ingediend, zodanig dat het Koningshuis weet dat wij de klacht indienen, voordat zij in Congo gaan. Maar de klacht wordt pas in oktober ingediend, waarom dat nu bekend maken? Het is eigenlijk zo dat wij denken dat het een symbolisch moment is natuurlijk. Want wij vieren nu de 50 jaar onafhankelijkheid van Congo. En wij denken dat het een goed ogenblik is om te zeggen, ja, 50 jaar onafhankelijkheid, het is goed. Maar er is nog deze noodzaak om rechtvaardigheid te krijgen in het dossier van Patrice Lumumba. Daarom hebben we ze nu ingediend. En français? Oui. Mais donc, donc on l'a introduite la plainte maintenant, enfin en tout cas l'annonce de la plainte maintenant, alors qu'elle sera déposée en octobre, parce que c'est pour nous évidemment et pour la famille un moment très symbolique, dans le sens où on est occupé à fêter les 50 ans de l'indépendance du Congo ce mois-ci. Et donc nous pensons que fêter les 50 ans d'indépendance, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier cette absence de justice dans cette affaire Lumumba, qui est l'assassinat de Patrice Lumumba, une question qui reste, je pense, un nœud dans les relations belgo-congolaises, je dirais même, et même au-delà, puisque quelque part en filigrane se posent des questions relatives au colonialisme et à la façon finalement de digérer le colonialisme. Et que, enfin, il y a un élément qui me semble très important par rapport à l'action de la Belgique. La Belgique est très active au niveau international, hein, le président des droits de l'homme l'a dit, au niveau du droit pénal international. Mais je pense qu'il faut d'abord aussi nettoyer devant chez soi et qu'avant de faire la leçon au niveau international, il faut que soi-même, on ait fait la lumière sur les crimes de guerre qu'on a soi-même commis. Monsieur. Oui, au niveau de la prescription, la justice belge va recevoir la recevabilité du dossier, sera acceptée ou pas? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on a fait des pistes d'investigation juridique. Dans cette piste, il y a la question des crimes de guerre, avec la question de l'imprescriptibilité des crimes de guerre qui est maintenant inscrite dans le code pénal belge. Le code pénal belge le prévoit. C'est une question qui est très vaste, qui sera débattue devant le juge. Et donc le juge devra trancher. C'est une décision judiciaire qui va décider si c'est prescrit ou pas. Il est évident que ce n'est pas aujourd'hui que l'on peut savoir comment le juge va se prononcer. Mais cette question de la prescription n'est pas la seule question qui se pose. Hein, comme l'a dit le professeur Schaus, il y a d'autres questions qui viennent se greffer, qui sont liées par exemple au droit à la vérité, au devoir de mémoire, qui sont devenues des obligations juridiques qui pèsent sur les États, peu importe le temps qui s'est écoulé. Hein. Et la torture est considérée comment? Parce qu'il y a eu assassinat avec torture. Mais c'est une des questions, vous avez raison de le soulever. Une des questions, il y a par exemple le professeur Cassez, qui est un éminent internationaliste, considère que la torture commise dans le cadre d'un crime de guerre est complètement imprescriptible, qu'il s'agit d'une coutume de droit international, peu importe si c'est prévu dans les textes. Donc la torture est un élément qui sera également soumis au juge belge pour qu'il tranche cette question. Le nom du juge devant. On le connaît pas. D'accord. Ce sera la surprise. Meneer. Oui. Alors, oui, compte cette initiative eigenlijk? De qui vient l'initiative de cette acte? Donc, l'initiative vient de François Lumumba, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est le fils aîné de Patrice Lumumba et qui, je dirais, représente en tant que fils aîné la famille pour déposer cette plainte. Et quel est le rôle de la Ligue des droits de l'homme? Eh bien, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous accueillons la conférence de presse parce que nous pensons que le travail d'une association comme la Ligue dans le cadre de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et de lutter contre l'impunité, qui ne permet pas à une société ou à des personnes de se réconcilier. Et cette impunité, cette lutte contre l'impunité, elle est intemporelle et elle est transfrontière. Et je rejoins tout à fait ce que disait Maître Marchand, à savoir que bien souvent on peut se positionner comme un donneur de leçons dans le monde, mais qu'il y a certainement un devoir de vérité à effectuer chez nous également. Lorsque l'on entend les propos de Ludo de Witt qui nous évoquent encore ces trophées détenu par certains, des tortionnaires Lumumba, je frémis, moi, que l'on puisse simplement faire le constat et qu'il n'y ait rien d'autre qui ait été fait en termes simplement de justice. Monsieur. Nous savons que la personnalité de Patrice Lumumba va au-delà du cadre de sa famille. Ici, l'action est menée par la famille, mais il y a une grande demande du point de vue du peuple et notamment dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance. Vous avez évoqué le devoir de vérité. Est-ce que dans le cadre du droit international, il est possible que l'État congolais puisse être à côté de la famille dans le cadre de cette action précisément, ou qu'il y ait d'autres associations, d'autres parties civiles que essentiellement la famille de Lumumba, parce que Lumumba, c'est au-delà de sa famille, ça concerne le Congo. Vous avez parlé de crime international. Est-ce que c'est possible? Vous posez la question de savoir qui peut être victime dans le cadre d'un crime de guerre. Il faut que la personne soit victime directe, hein, qu'elle ait subi elle-même un dommage. Alors la question, est-ce que des personnes morales, puisqu'on évoque des associations, pourraient également se constituer partie civile? C'est une question qui est aussi largement débattue et controversée. Je pense que ce qui est important, c'est qu'une enquête ait lieu et qu'il y ait un large soutien, comme vous dites, à la fois populaire, mais aussi des organisations de défense des droits de l'homme, et que ce soutien suffit, je dirais, amplement au départ pour que la plainte puisse être menée et qu'une investigation ait au moins lieu. Mmh. Et puisqu'il s'agit d'un conflit armé international, l'État congolais est parti, est-ce qu'ils peuvent se prévaloir d'une action, par exemple? Je ne me prononcerai pas à ce sujet à ce stade. Mais juridiquement, est-ce que c'est possible? D'un point de vue du droit international, est-ce que c'est possible? Pas devant les tribunaux belges, non. Il faudra aller à la Cour internationale de justice. Ou... éventuellement dans une action civile, mais il faut voir ce à quoi donnerait lieu la plainte pénale. Parce qu'on n'a pas non plus exclu un jour d'aller en civil en réparation des dommages commis. Et donc là, peut-être que les ASBL de soutien ou de certaines associations qui représentent le peuple congolais pourraient intervenir. Mais à ce stade-ci, on n'en est pas là. On en est vraiment dans une plainte pénale contre 12 personnes individuelles. Donc là, il faut respecter les règles classiques du droit pénal. L'assassinat de Lumumba a entraîné une guerre civile. Et cette guerre civile, il y a eu beaucoup de morts. Au niveau de la plainte et au niveau de ces dossiers, des millions de morts, on estime à 500 millions. Pour les avocats, comment est-ce que ce dossier sera aussi suivi? Ou comment, je ne sais pas, puisqu'on ne pourra pas laisser plus de 500 000 morts, voire même 1 million de morts, dus relativement à l'assassinat. Et toujours là, il y a eu des personnes qui ont été assassinées avec le Premier ministre, dont Polo et Okito. Et les dossiers, je ne sais pas comment, vous, au niveau, à votre niveau, vous allez préparer ça. C'est ce qu'on a dit il y a un instant, c'est-à-dire que pour l'instant, nous, on se limite à l'assassinat de Patrice Lumumba, son arrestation, son transfert, la torture qu'il a subie et son assassinat. C'est ça les faits que l'on va porter à la connaissance du juge d'instruction belge pour qu'il investigue à ce sujet-là. Donc nous, on ne va pas saisir plus largement d'autres questions. On va se limiter, et c'est déjà, nous semble-t-il, énorme, à cet ensemble complexe de faits-là qui devront être investigués de manière précise par le juge d'instruction. Kan u nog eens even uitleggen waarom u dit als een internationaal conflict? Dus u zegt het zijn oorlogsmisdaden, want het was in het kader van een internationaal conflict. Maar zoals meneer ook zegt, het was eigenlijk, je kan het ook beschouwen, de secessie als een guerre civile, als een burgeroorlog. Kan u dat nog even zeggen? Gaat u ervan uit dat België in oorlog was met Congo? De definitie van een internationaal conflict is eigenlijk dat er twee staten daarin betrokken zijn. Voilà, u heeft het antwoord. U heeft Congo, soeverein staat, en aan de andere kant heeft u België, die ook betrokken is via Katanga of zelf als partij in het conflict. Dus een conflict tussen twee soevereine staten, dat betekent een internationaal oorlog. Dus doordat België de kant koos van Katanga, was België in oorlog met Congo, dat zegt u? C'est pour ça que les Nations Unies sont intervenues, hein? Sinon, ils seraient pas venus. Monsieur, la question à M. Lumumba Guy, qu'est-ce que pourra dire au peuple congolais concernant votre action? Nous attendons, nous, et également les Congolais, à connaître la vérité. Je pense que c'est par rapport à l'histoire et rien n'est dit. Dans les manuels scolaires qui sont au Congo, on ne parlait pas des Lumumba. Et j'ai été en 2005 à la librairie qui est à Kitambo pour acheter un livre. C'est ce qu'on appelle le cours des quatrièmes primaires. On a écrit sur Lumumba, c'est une page, une photo, et voici, ça dit, je crois nous-mêmes, pourquoi les noms de Lumumba, jusqu'à aujourd'hui, évoquent toujours la crainte. On ne veut pas aborder cette vérité. J'ai dit nous-mêmes, ce que nous avons fait, nous avons entendu, et c'est ainsi, nous demandons également qu'ils ne soient pas les seuls, que nous soyons aussi avec des frères, des amis et des Congolais pour la recherche de cette vérité. Je vous en prie, monsieur. Oui, tout prêt, hein, parce que je m'étais en Lingala. Bon, mutuna nanga iza na Lingala, oyo nyonso tikoloba, oyo koloba ngo po bana mboka pe bayoka, nini ememaki bino awa, nini bozozela bango, bakozela nini. Elingalinge kiko yebisa bana mboka na tango kondo ya papa zalaki na mosala ya mboka, ezali lokola policier, ezali pe militaire, na mutu nyonso soki akufi, eloko liboso esengaka, ezali na ndenge ya leta, ezali tout d'abord ya kosokipe na mwasi na ye. Na bananaye parce que neti azali susute et le connu de que ça là pour na bango. Bon, okumo na ba kongole ti le bayeba mama na biso Pauline azako kufa. Soin moyeba pesa ezate. Biso ko boko bana ezali moye to vivre na mboka wana te. Baza neti kukanga ko benga na biso. Mais na koyeba vérité o ezali ya koluka ya tata na biso. Azala ki tata pe ba kongole pour mini bazali ko se réclamer na ye. Bien, on a tous allé pour la vérité. Voilà. La vérité, on a tout ce qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, justice, oyo ezali awa ezali likambo au tout koloba batangi mindele ya mboko e bazali zo minami mibale bazali nano na bomoi. Mais on a un peu de temps, on a un peu de plus de 100. Mais tout le monde, on a la vérité pour la lingua qui, après, la lingua vérité. Tout bon manakali susuté. Tout iba ponani le koni le kaki. Ainsi, nabiso moko, nabana mboka. Tout bon manakali susu moutou mokote. Tout iba erreur et zalaki. Nandenge yanga koluka. Tout sengi vengeance mokote. Zali vérité. Oyo, ekokiti sabiso mitema, ekokiti sape batumi mitema. Merci. Je vous propose peut-être d'en rester là de manière à laisser les journalistes poser des questions individuellement aux différents participants. Je vous remercie en tout cas pour votre participation, en insistant sur le fait que ce devoir de vérité, il traverse les époques et les âges, puisqu'aujourd'hui c'est peut-être aussi sur la mort de Floribert Chebeya qu'il faudra faire la vérité. Je vous remercie. Voilà, c'était une conférence de presse à propos d'une plainte qui est déposée aujourd'hui, 22 juin 2010, pour crime de guerre contre la personne de Patrice Emery Lumumba. On est ici à la siège de la Ligue des droits de l'homme, dont on a entendu le président Benoît van der Merschen. Puis on a entendu Guy Lumumba, qui est le fils benjamin de Patrice Emery Lumumba. On a ensuite entendu Christophe Marchand, qui est l'avocat chargé de la plainte, et Anne Michaus, qui est avocate aussi.